À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre parti et de notre État, les permanentes et les membres de l'Union des femmes coréennes ont dansé le 11 devant l'Arc de Triomphe à Pyongyang.